Today, I'm going to continue talking about the care. Who practiced Maranasati, reflecting on death? Early in the morning, when the Buddha conveyed the world, the care appeared in his vision. The Buddha realized she would attain enlightenment. On the same day, she also would die. That's why the Buddha wanted to help her. Aujourd'hui, je vais poursuivre mon enseignement à propos de cette jeune fille qui avait entendu l'enseignement du Bouddha et qui s'était mise à la pratique de Maranasati, la contemplation de la mort. Le Bouddha avait donc vu de son œil divin, lorsqu'il parcourait le monde le matin tôt, que cette jeune fille était mûre pour l'illumination. Il savait également qu'elle allait mourir ce jour-là. Il voulait donc l'aider et se rendit à Alohi pour l'encourager à atteindre l'illumination. Le Bouddha se trouvait donc à Alohi et il donnait un enseignement à son auditoire. La jeune fille se rendait dans l'atelier de tissage de son père car son père avait un besoin urgent de fil. Elle courait donc vers cet atelier de tissage pour prendre cette bobine de fil. En cours de route, elle vit le Bouddha qui faisait son enseignement sur le Dhamma. Elle avait fort envie de s'arrêter pour écouter l'enseignement. Elle avait pratiqué la contemplation de la mort pendant 6 ans lors du premier passage du Bouddha à Alohi. Mais en même temps, elle se sentait obligée de se rendre chez son père pour lui donner ce dont il avait besoin. Elle hésitait donc et ne savait pas que faire. Le Bouddha comprit que la jeune fille était hésitante. Il vit sa pensée. Il la regarda alors avec insistance et la jeune fille comprit que le Bouddha voulait qu'elle reste pour écouter son enseignement. La jeune fille décida donc de ne pas aller chez son père. Elle s'approcha du Bouddha, s'assit respectueusement pour écouter l'enseignement sur le Dhamma. Dès qu'elle se fut assise, le Bouddha posa certaines questions à cette jeune fille. Elle devait avoir environ 19 ans à l'époque. Il lui demanda d'abord, « Ma fille, d'où viens-tu ? » Et la jeune fille répondit immédiatement, « Je ne sais pas, vénérable. » Le Bouddha lui posa une deuxième question, « Ma fille, où vas-tu ? » Et la jeune fille répondit, « Je ne sais pas, vénérable. » L'audience était dans la confusion. Il pensait que la jeune fille n'était pas polie, qu'elle se moquait du Bouddha, car ses réponses n'avaient pas de sens. À la première question du Bouddha, « D'où viens-tu, ma fille ?» elle aurait dû répondre qu'elle venait de chez elle. À la deuxième question du Bouddha, « Où vas-tu, ma fille ?» elle aurait dû répondre « Je vais à l'atelier. » Mais elle n'avait pas répondu de cette façon et les gens pensaient qu'elle se moquait du Bouddha. Le Bouddha posa alors une troisième question à la jeune fille. « Ne sais-tu pas, ma fille ?» Et la jeune fille répondit « Si vénérable, je sais. » Et enfin, il lui posa une quatrième question, « Sais-tu, ma fille ?» Et la jeune fille répondit, « Je ne sais pas, vénérable. » L'auditoire était dans la confusion. Mais le Bouddha savait que la jeune fille avait donné les réponses correctes. La jeune fille également savait qu'elle avait répondu correctement. L'audience ne comprenait pas, car c'était des gens qui ne pratiquaient pas la méditation. Ils n'avaient pas mis en application les instructions du Bouddha qui leur demandait d'être attentifs au corps et à l'esprit. Cet enseignement entrait par une oreille et sortait par l'autre. Ils n'avaient pas le Dhamma en eux. Le Bouddha voulut clarifier les choses. Et il expliqua à son auditoire que lorsqu'il avait posé la première question à la jeune fille, qui lui avait demandé « Ma fille, d'où viens-tu ?» Elle avait répondu « Je ne sais pas, vénérable. » Pourquoi avait-elle répondu « Je ne sais pas, vénérable ?» Le Bouddha demanda à la jeune fille pourquoi elle avait donné cette réponse. Et la jeune fille répondit « Vénérable, Vous détenez l'omniscience, vous savez donc très bien d'où je viens. Mais je pense que dans ce contexte, votre question voulait en fait dire « De quelle existence venez-vous » Et c'est pourquoi je vous ai répondu « Je ne sais pas, vénérable. » Si vous étudiez l'Abhidhamma, vous verrez qu'il y a 31 plans d'existence. Il y a les 4 apayas, il y a le monde humain, il y a 6 mondes de Deva, le monde de Brahma et les Arupas. Mais nous ne savons pas de quelle existence nous venons. Lorsque donc la jeune fille répondit au Bouddha « Je ne sais pas, vénérable », elle voulait tout simplement dire qu'elle ne savait pas de quelle existence elle venait. Le Bouddha lui demanda alors « Lorsque je t'ai posé la question, où vas-tu, ma fille ?» Tu as répondu « Je ne sais pas, vénérable ». Que voulais-tu dire ? La jeune fille expliqua alors qu'après cette vie, elle ne savait pas dans quelle existence elle irait, dans quel plan elle reprendrait naissance. C'est la raison pour laquelle elle avait répondu « Je ne sais pas, vénérable ». Le Bouddha était satisfait et exprima sa satisfaction en répétant 3 fois « Sadhu ». Le Bouddha lui demanda alors « Et lorsque je t'ai demandé « Ne sais-tu pas, ma fille ?» Tu as répondu « Si, vénérable, je sais. » Que voulais-tu dire ? Je vous ai répondu que je savais, car je sais qu'un jour je mourrai. Tout le monde devra mourir un jour. Personne ne vivra éternellement. C'est pour cette raison que j'ai répondu, « Si vénérable, je sais. » De nouveau, le Bouddha répéta 3 fois « Sadhu ». Et le Bouddha lui demanda enfin, « Lorsque je t'ai demandé, « Sais-tu ma fille ?» Tu as répondu, « Je ne sais pas, vénérable. Pourquoi as-tu répondu cela ?»« Parce que je ne sais pas quand je mourrai, » répondit la jeune fille. « Est-ce demain, après-demain ? Je ne sais pas. » C'est pour cette raison que j'ai répondu, « Je ne sais pas, vénérable. » Êtes-vous d'accord avec la réponse de la jeune fille ? Êtes-vous d'accord lorsqu'elle a répondu au Bouddha ? Qu'elle ne savait pas de quelle existence elle venait. Du temps du Bouddha, les gens avaient des idées fausses, des vues fausses. Vous vous souviendrez sans doute de mon enseignement à propos des asavas. L'une de ces asavas, c'est ditasava, la purulence des vues fausses. Les personnes, à l'époque du Bouddha, pensaient qu'après la mort, il n'y aurait plus rien. C'est une vue fausse. Parfois, les gens pratiquaient samatha, ils atteignaient les jhanas et ils devenaient capables de se souvenir de leurs vies antérieures et ils en voyaient à l'infini. De cette façon, ces gens pensaient que la vie était éternelle, qu'elle durerait toujours. Ceci également est une vue fausse. Où irons-nous après cette vie? Tout le monde voudrait reprendre naissance dans les bons plans, dans le plan humain ou dans le plan des devas. Mais ceci ne sera pas toujours possible. Le Bouddha n'a jamais parlé de réincarnation. Il parle de renaissance. La renaissance a lieu dans le plan humain ou dans le plan des devas si on a fait des actions positives, comme par exemple dana, la générosité, sila, la moralité, la méditation, l'écoute des enseignements sur le Dhamma, l'aide aux yogis. Tout cela, ce sont des actions méritoires. Ces actions méritoires vont nous aider à reprendre naissance dans les plans de Deva ou dans le plan humain, si au moment de la mort, nous nous souvenons de ces actions positives. Il ne sera pas possible de reprendre toujours naissance dans le plan humain. Mais si nous avons l'intention de faire des actions méritoires, cela va nous aider à reprendre naissance soit dans le plan de Deva, soit dans le plan humain. Du temps du Bouddha, il y avait un de ses grands disciples, Moggallana Thera, qui était un arhat et qui avait les pouvoirs supranormaux. Il était celui des disciples du Bouddha qui détenait le plus de pouvoirs supranormaux. Il pouvait se rendre dans les plans célestes. Il alla un jour dans ses plans et demanda aux devas et surtout aux devis comment il se faisait qu'elles avaient repris naissance dans ce plan. Les devis étaient des femmes étaient très belles, elles avaient aussi de très belles demeures. Il leur demanda donc comment cela se faisait. Il y en avait une, notamment, du nom de Opposatha. Elle expliqua donc à Moggallana que lorsqu'elle était dans le plan humain, elle pratiquait des actions positives. Elle pratiquait Dana, elle écoutait les enseignements sur le Dhamma, elle pratiquait la méditation, modestement disait-elle, mais en fait elle était trop modeste. Elle écoutait également les enseignements que donnait un moine, et ce moine avait l'habitude de parler beaucoup du plan des Devas. Elle était donc devenue désireuse de reprendre naissance dans ces plans-là. Après sa mort, elle reprit naissance dans un plan de Deva, mais une fois là, elle fut déçue et plutôt contrariée, car en fait, il y a tant de plaisir dans ces plans-là qu'il n'est pas possible de pratiquer la méditation. Elle était déjà un sotapanna, mais il lui était devenu impossible de méditer. Si nous avons fait des actions méritoires, et si on oriente ces actions vers l'atteinte d'un plan de Deva après la mort, il est possible qu'on reprenne naissance dans ce plan. Si on oriente son action méritoire vers l'atteinte du plan humain, il est possible d'atteindre ce plan après la mort. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Je voudrais vous expliquer en quoi consiste le karma. Vous écoutez par exemple un enseignement sur le Dhamma. Vous aidez les yogis, vous pratiquez la générosité, dana, vous pratiquez, sila, la moralité. Tout cela, c'est du karma positif. Au moment de la mort, ce karma nimitta va donc vous apparaître dans l'esprit. On parle du signe de l'action ou de la condition de l'action. C'est une action qui peut être très ancienne et qui subitement vous revient à l'esprit. Vous vous souvenez par exemple de cette méditation que vous faites en ce moment. Vous vous souvenez que Sayadaw Upanyasami était présent dans la salle et qu'il vous rappelait constamment d'être attentif. Donc tout cela, c'est le kamma nimitta, le signe de l'action. Gati nimitta, c'est la deuxième chose qui va vous apparaître au moment de la mort. C'est l'endroit où on va reprendre naissance. Si cet endroit est le plan des Devas, vous verrez par exemple de jolies maisons, de beaux vêtements, des odeurs très agréables. Vous verrez peut-être des Devas ou des Devis. Vous verrez toutes ces choses agréables parce que le souvenir de vos actions positives va vous revenir en mémoire. Vous serez très paisible. Mais si ce sont des souvenirs négatifs qui vous reviennent en mémoire, c'est la peur qui va se manifester. Donc, ce gati nimitta est également quelque chose qui se manifeste à la fin de la vie. Si donc le souvenir d'action positive vous revient en mémoire au moment de la mort, vous avez toutes vos chances de reprendre naissance dans un plan de Deva. Et là, vous rencontrerez Upposatha. Pour le moment, vous développez des actions positives. Vous pratiquez la méditation. Vous avez une forte attention. Et votre compréhension est relativement développée. Vous comprenez la différence entre l'esprit et la matière. Vous comprenez les causes et les effets. Lorsque vous mourrez, il est possible donc que toutes ces actions positives vous reviennent en mémoire et vous pourrez alors rencontrer Upposatha. Vous aurez alors là, en face de vous, un ami spirituel, un Kalyanamita, avec qui vous pourrez discuter de vos expériences méditatives. Et donc, lorsque vous aurez repris naissance dans ce plan de Deva et que vous serez en face de Upposatha, elle va vous demander avec qui vous pratiquez la méditation. Vous devez répondre que c'est avec Upanyasami. Vous devez le lui dire. C'est pourquoi le vénérable Mahasi Sayadaw encourageait toujours ses élèves à s'efforcer d'atteindre l'illumination. S'ils atteignaient l'état d'arhat, évidemment, ce serait magnifique. Mais ceci n'est pas évident et ils doivent s'efforcer d'atteindre au moins le fruit du sotapanna, car alors il ne sera plus possible pour eux de reprendre naissance dans les plans inférieurs. Donc, nous ne savons pas en fait où nous allons reprendre naissance, mais ce que nous pouvons faire, c'est échapper à tout jamais à la renaissance dans les plans inférieurs. C'est pour cette raison que Adinaka Kamma est très important. Adinaka Kamma, c'est le fait de faire souvent des actions positives. Asanaka, l'action que l'on fait juste avant la mort, est également quelque chose de très important. Imaginons par exemple un malade qui n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Il n'est plus capable de se souvenir de ses actions passées car il est trop faible. Il faut alors qu'il ait un ami spirituel, c'est très important. Car cet ami spirituel va par exemple inviter des moines à son chevet, va leur demander de réciter les chants, d'enseigner le Dhamma. Il pourrait demander toutes sortes de choses, mais nous n'avons pas le temps d'en parler. Si donc, au moment de la mort, nous sommes aidés par un Kalyanamita, un ami spirituel, nous avons toutes les chances de reprendre naissance dans les bons plans. Je me trouvais un jour en Australie, au centre de méditation de Blue Mountain. Il y avait un hôpital non loin de là. Un jour, un médecin birman me téléphona pour me demander d'aller voir un patient. C'était un Allemand qui vivait en Australie, sa femme était anglaise. Cet homme, qui était donc très malade, aurait voulu voir un moine bouddhiste qui n'était pas là en ce moment. C'est pourquoi le médecin m'avait téléphoné pour le remplacer. Je me rendis donc au chevet de ce malade. Je lui demandai d'abord « M'autorisez-vous à chanter les Parita Sutta ?» Il est nécessaire avec les Occidentaux de d'abord de leur demander si cela leur convient. Ce n'est pas comme avec les Birmans. L'homme me répondit que oui, et donc je chantais les plus importants des Parita Sutta, comme par exemple le Metta Sutta. Je demandai à l'homme d'écouter très attentivement et lui expliquai que même s'il ne comprenait pas la signification des mots, cela pourrait l'aider. À la fin, je lui enseignai même les rudiments de la méditation vipassana. Je lui demandai d'abord s'il avait envie d'entendre ces instructions. Il me répondit que oui et donc je lui ai appris à observer attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Je lui dis que je reviendrai le lendemain matin. Le lendemain matin, je me rendis de nouveau à l'hôpital. Je lui demandai s'il avait pratiqué la méditation. Il me dit que oui, qu'il avait observé les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Je chantai alors de nouveau les Parita Sutta. Il lui dit que le lendemain, je reviendrai. Mais le lendemain, l'homme était mort. Il était mort très paisiblement. Et sa femme me dit qu'elle était très heureuse car elle avait constaté que son mari était mort paisible. Je ne sais pas où cet homme a repris naissance, mais ce que je sais, d'après sa femme, c'est qu'il est mort paisiblement. Sa femme m'a alors demandé de diriger la cérémonie des funérailles, et finalement, c'est moi qui l'ai effectivement dirigée. J'ai souvent aidé les mourants. J'aime faire cela. J'ai même écrit à mes amis et à mes parents pour le leur dire. Et de cette façon, lorsqu'ils seront à la mort, je pourrai eux aussi les aider. Ce que j'aurais voulu le plus aider au moment de la mort, c'était mes parents. Mais un jour que je me trouvais à Londres, j'appris que ma mère était décédée. Je n'en revenais pas, car quelques jours avant, j'avais reçu une lettre dans laquelle on me disait qu'elle était très bien. J'ai donc téléphoné, et là, c'était vrai. Elle avait même déjà été brûlée. Mais j'aurais vraiment voulu savoir comment elle était morte. Était-elle en paix au moment où elle est morte? Je demandai donc à ma sœur, qui se trouvait à son chevet à ce moment-là, comment elle était morte. Ma sœur savait déjà que notre mère allait mourir. Elle le savait en fait depuis une semaine. Elle m'expliqua que après l'avoir douchée, elle avait enduit notre mère de Tanaka, c'est la coutume en Birmanie. C'est un parfum qu'on se met sur le corps. Ma mère demanda alors à ma sœur, les personnes qui reprennent naissance dans le plan des Devas, les Devas, ont-elles la même apparence que moi en ce moment? Oui, a répondu ma sœur. Mes parents, en fait, étaient des pratiquants vipassana. C'étaient des élèves de Mahasi Sayadaw. Toute ma famille était élève de Mahasi Sayadaw. Je ne voudrais pas trop vous parler de ma famille, mais tout ceci me vient naturellement, étant donné que nous parlons de la mort. Vous ne perdez pas votre temps ici. Vous pourriez peut-être penser, mais je ne progresse pas. Mais comment pouvons-nous savoir si nous avons progressé? Vous devez comprendre que tant que vous vous efforcez, que vous faites l'effort de méditer, vous pratiquez Samavayama, l'effort juste. Vous vous efforcez d'atteindre la libération. Vous avez une certaine qualité d'attention, vous avez un certain niveau de compréhension de l'enseignement du Bouddha, et vous devez savoir que cette pratique va vous aider à comprendre de mieux en mieux l'enseignement du Bouddha, donc les trois caractéristiques des phénomènes. Vous ne perdez pas votre temps ici. Tout le monde sait qu'un jour il faudra mourir. Même le Bouddha, qui était omniscient, devait mourir. Il aurait pu rester plus longtemps en vie, mais comme son enseignement était complet, qu'il avait terminé ce qu'il avait à faire, il est décédé. Un jour donc, nous devrons mourir, mais nous ne savons pas où. Après avoir donc posé les questions et avoir donné les réponses, le Bouddha exprima sa satisfaction en répétant trois fois « Sadhu ». Il prononça alors une stance. À la fin de la stance, la jeune fille atteint le fruit du Sotapanna. Le Bouddha prononça donc une stance. L'essence de cette stance est la suivante. Dans le monde, les gens sont aveugles. Rares sont ceux qui voient clairement, les apparitions et disparitions des objets qu'ils notent. Rares sont donc ceux qui voient clairement. Rares, cela veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui pratiquent la méditation vipassana. Or, ce n'est que par la pratique de la méditation vipassana qu'on peut réussir à voir les apparitions et disparitions dans le corps et dans l'esprit. Vous êtes donc ici à pratiquer les quatre établissements pour l'attention, les quatre satipatthana. Vous observez le corps, vous observez les sensations, vous observez la conscience et vous observez les dhammas. Les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen sont le corps physique. Les sensations, qu'elles soient désagréables ou agréables, sont les sensations. Les pensées, les émotions sont la conscience. Et les contacts sensoriels, comme voir, entendre, sentir, goûter, toucher, sont les dhammas, les objets mentaux. Ainsi, vous voyez clairement. Vous voyez clairement les quatre éléments. Vous voyez clairement les cinq agrégats. Vous voyez clairement les 12 bases sensorielles. Vous voyez clairement les nobles vérités. Et vous voyez clairement les 8 facteurs de l'octuple sentier. I have to explain. Tomorrow, not today. Now, over 1 hour, that's enough for today. Comment le méditant Vipassana réussit-il à comprendre clairement? Je vous en parlerai demain. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are. Sadhu, sadhu, sadhu, sadhu.